Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gamozo 107 FM. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de En route vers l'insertion. C'est Chris et pour ce nouveau numéro, je reçois pour la deuxième fois la mission locale du pays de Remiremont et de ses vallées. Et aujourd'hui, c'est Maxime, conseiller à la mission locale, ainsi que deux jeunes de la mission locale, Marina et Marion, qui ont eu la gentillesse d'accepter notre invitation. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Salut. Nous allons parler aujourd'hui de la mobilité locale, de transport en commun, du permis à 1 euro, de codes de conduite ainsi que d'autres diverses aides et bons plans en rapport avec la mobilité en local. Donc je vais commencer par Maxime. Parlez-nous de votre rôle de conseiller au sein de la mission locale du pays de Remiremont et de ses vallées. Mon rôle de conseiller, comme tous mes autres collègues, j'accompagne les jeunes de 16 à 25 ans dans toutes leurs démarches. D'accord. Voilà, principalement emploi, formation, mais aussi d'autres thématiques comme la mobilité, le logement, la santé, loisirs. D'accord. Voilà. Et donc, je crois savoir que vous êtes plusieurs conseillers au sein de la mission locale à travailler en rapport avec la mobilité, donc avec Nathalie, par exemple, qu'on salue. Et quel est donc votre rôle dans ce domaine ? Alors, Nathalie est sur la mobilité internationale. D'accord. Donc, voilà, c'est assez différent de ce que je fais. Moi, j'interviens pas ou peu dans la mobilité internationale. Moi, je m'occupe de l'accès à la mobilité au niveau local, donc pour que les jeunes puissent se rendre sur leur lieu de travail ou de formation, ou pour qu'ils puissent accéder à des offres de réduction, ou permis, le code, etc. Et on accompagne aussi pour toutes les démarches administratives. D'accord. Donc il est important de noter que la mission locale, comme vous l'avez dit, organise des aides en faveur du permis de conduire. Pouvez-vous nous en dire un peu plus là-dessus ? Alors, les aides pour le permis de conduire, donc on se base quasiment uniquement sur les offres qui existent déjà. Nous, on fait juste les intermédiaires. Donc, il y a le permis à 1 euro, qui est un permis à taux un prêt à taux zéro qui est accordé par les banques ou non. D'accord. Pour ceux qui ne seraient pas éligibles et qui auraient un refus de la banque, on a un dispositif qui existe pour être garant, pour que l'État soit garant à la place des parents. Voilà. Ensuite, sur les aides, on a les différents partenaires comme le conseil départemental avec la carte ZAP qui donne quelques petites réductions pour l'accès au permis. Sinon, y a beaucoup de banques qui accordent une petite bourse après l'obtention du permis. D'accord. Et donc, est-ce que avec la mission locale, vous travaillez en partenariat avec une ou plusieurs auto-écoles ou pas ? J'ai pas pu toutes les rencontrer pour le moment, mais oui, j'en ai déjà rencontré quelques-unes. D'accord. Voilà, pour bien clarifier notre offre de service et bien leur montrer qu'on n'empiète pas sur leur mission et leur travail. D'accord. Et donc, vu que la mission locale du pays de Remiremont et de ses vallées couvre une certaine zone, donc, vous êtes entré plus ou moins en contact avec presque toutes ces auto-écoles de la zone ou aussi en dehors de la zone ? Non, uniquement sur notre territoire. Donc, on est sur les 38 communes du pays de Remiremont et de ses vallées. D'accord. Et donc, non, on travaille vraiment que sur notre territoire. Les autres auto-écoles travailleront en partenariat avec d'autres missions locales s'ils mettent en place des choses autour de la mobilité. D'accord. Donc je me retourne vers Marion et Marina. Avez-vous bénéficié de ces aides ? Moi j'ai fait des séances de code avec Maxime. Donc, d'accord. Ça fait depuis mars que j'ai repris le code avec toi. Donc une fois par semaine, le jeudi, je fais deux séances de code. Et pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps de placer mon code, mais c'est en cours. Et d'accord. Ça se passe bien et ça m'a aidé. Et moi, du coup, avec Maxime et puis un autre conseiller, Thomas, j'ai fait la conduite supervisée pour le permis. Ça s'est super bien passé. Ils m'ont beaucoup aidé. D'accord. Voilà. Et donc, le permis, du coup, tu l'as maintenant ou... Ah oui, je l'ai eu. Entre autres, on va dire que c'est en partie grâce à eux, parce que ils m'ont aidé sur beaucoup de choses. Et quand j'ai fini avec eux, j'ai quand même repris à l'auto-école quelques heures de conduite. Et puis, j'ai réussi à avoir mon permis. Du coup, je les remercie beaucoup. De rien. Et donc, Maxime, est-ce que vous organisez ça vous arrive d'organiser des leçons de conduite ou pas ? Alors, justement, avec Marina, c'est pas exactement des leçons de conduite qu'on propose. C'est la conduite supervisée. D'accord. Donc, en fait, on fait simplement reprendre le relais d'un membre de la famille ou de son entourage. Voilà, si elle a personne, parce que personne n'ose l'accompagner pour faire les leçons de conduite supervisées ou s'ils n'ont pas le permis, pas le temps, peu importe. D'accord. Nous, on se propose ponctuellement, il faut que ce soit un jeune par un jeune pour des raisons d'assurance, mais on peut proposer des leçons de conduite supervisée. Donc avec Marina, on a fait, sur 2-3 mois, on a fait 10 heures de conduite. Donc tout à l'heure, je te parlais de qu'on avait clarifié les choses avec les auto-écoles. Donc nous, on n'est pas techniciens, on n'est pas des moniteurs d'auto-école, mais on a l'habitude d'animer des ateliers et puis d'être au contact des jeunes. Et donc, juste ce qu'on apporte, c'est un petit peu d'expérience et les faire pratiquer la conduite en essayant de les mettre à l'aise, voilà. D'accord. Dans un contexte qu'ils connaissent, parce que pour certains, ils font partie de la mission locale, ils sont accompagnés par la mission locale depuis quelques temps, donc ils sont à l'aise dans nos locaux et puis avec nous aussi. Donc, d'accord. Voilà, c'est vraiment ça, nous, qu'on apporte. On n'a pas de technique ni de pédagogie de conduite, on n'a pas fait de créneau, Voilà, non. C'était vraiment faire des kilomètres pour qu'elle gagne en assurance. D'accord. C'est ça qui lui manquait. Et donc pour toi, Marina, ça t'a vraiment été bénéfique, ça ? Ah oui, franchement, oui. Ils m'ont aidé à gagner beaucoup en assurance parce qu'au début, j'avais beaucoup de mal et ils ont réussi à me mettre à l'aise au niveau de la route. Ils m'ont donné aussi quelques conseils et du coup, je les ai toujours utilisés. Et on va dire que quand même, grâce à eux, oui, je l'ai eu, mon permis. Donc ça m'a beaucoup été bénéfique, oui. D'accord. Et donc tout ça, les aides à la conduite... Comment vous en avez entendu parler ? Moi, c'était directement Maxime. D'accord. Je recrute sur le flux. Je parlais avec Inès, qui est ma conseillère principale. Elle m'a dit, il y a peut-être quelque chose qui va t'intéresser. Il faut que tu parles à Maxime. Du coup, j'ai été chercher Maxime. Et on m'a dit, oui, il y a des séances de code qui sont organisées tous les jeudis. Tu viens comme tu as envie. Il faut être motivé quand même. Donc, pas être là juste pour rien faire. Et ça m'a intéressé. Et c'est une autre approche. Et je trouve ça plus intéressant parce qu'on est plus à l'aise. On n'a pas l'impression d'être trop, comment dire, jugé sur nos capacités. Parce qu'on peut commencer par un niveau très, très, très médiocre. Et on s'améliore au fur et à mesure. Il y a une bonne ambiance en plus. D'accord. Donc, fait tranquillement. Donc toi, tu préfères la pédagogie de la mission locale plutôt que la pédagogie d'une auto-école ? J'ai pas été en auto-école pour l'instant. Donc je pourrais pas comparer. Mais ouais, je me suis sentie super à l'aise à la mission locale et comme d'habitude. D'accord. Et donc toi, Marina, t'en as entendu Moi, j'en discute avec Thomas, comme quoi j'avais personne pour faire la conduite supervisée. Et du coup, il m'a parlé du projet que Maxime il avait, parce qu'ils avaient un projet de faire ça. Et d'accord. Du coup, il m'a demandé si je voulais. Et du coup, j'en ai parlé avec Maxime et avec Thomas. Et du coup, c'est eux qui m'ont dit qu'ils seraient d'accord, qu'il fallait que je voie avec mon auto-école si c'était possible. Du coup, avec mon auto-école, on a dû faire, je crois, il me semble, une heure où il y avait Maxime, Thomas, ma monitrice et moi. Et suite à ça, ma monitrice, elle leur a dit que elle était d'accord pour que je fasse la conduite supervisée avec eux. Et du coup, de là, c'est parti. Et j'ai fait, 10 heures avec eux de conduite. Oui, c'est ça. Donc, on avait un projet de proposer de la conduite supervisée dans nos services de mobilité. Mm-hmm. Il s'est trouvé que Marina, au moment-là, était en difficulté par rapport à ça. Et donc, voilà. On avait trouvé notre cobaye. Donc, après, on a fait les démarches administratives pour pouvoir l'accompagner. D'accord. Et puis, voilà, on est parti. Hein. C'était nouveau aussi pour nous. Ça l'a fait. D'accord. Et donc, pour la conduite supervisée, tes seuls accompagnateurs, c'était Maxime et la mission locale ? J'avais Maxime et Thomas. Mais principalement, ça a été Maxime. C'est avec lui que j'ai le plus conduit. En tout. D'accord. Et pour revenir sur le partenariat avec les auto-écoles, donc pour mettre en place la conduite supervisée, on est tenu de faire un rendez-vous pédagogique avec sa monitrice. D'accord. Donc ce qu'on a fait, qui nous apporte quelques conseils sur l'accompagnement lors de la conduite supervisée. D'accord. Mais c'est toujours sous validation d'une auto-école. On ne pourrait pas accompagner quelqu'un sans qu'une auto-école ait validé son niveau proche du permis. D'accord. Donc on va passer tout de suite à la première pause musicale. Ça va être Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Et on se retrouve juste après. Welcome to the jungle. Nous sommes de retour sur Radio Gamozo. Vous venez d'écouter Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Et donc, pendant la pause musicale, j'ai un petit peu discuté avec nos invités pour bénéficier de toutes ces aides que la mission locale propose. Quelles sont les démarches administratives à effectuer ? Alors, pour être accompagné dans ces démarches de mobilité, il suffit d'être suivi à la mission locale. Ensuite, pour chaque service vers lesquels on accompagne les jeunes, il y a différentes démarches. D'accord. Donc, certains qui suivent les leçons de code à la mission locale préparent le code à 30 euros. Voilà, il y a possibilité depuis quelques temps de passer le code en candidat libre. Donc pour ça, c'est une préparation en autonomie. Donc c'est entre autres pour ces personnes-là que je propose l'atelier code. Et donc c'est un positionnement, une inscription autonome du jeune qui passera le code dans les locaux de la Poste à Remiremont. Et pour ça, il faut faire une demande de permis de conduire sur le site de l'ANTS. Donc c'est un site du gouvernement où on fait toutes les démarches administratives maintenant. D'accord. Donc demande de permis de conduire qui leur permettra d'obtenir un numéro qui leur sera indispensable pour s'inscrire au code. Donc c'est le numéro NEPH. Donc ça voilà, c'est pour la partie code. D'accord. Ensuite, on peut accompagner dans les démarches de prise de carte de réduction, de transport en commun. Donc encore une fois, il y a différents types. Pour les trajets professionnels, donc pour les emplois et la formation, on a des bons ponctuels. Donc c'est bons emploi formation qui sont également délivrés par Pôle emploi. Ça, c'est vraiment pour un entretien d'embauche, pour se rendre en début de formation, le temps d'avoir un peu de moyens financiers pour se prendre un abonnement. Donc ça offre 80% de réduction sur un trajet aller ou aller-retour. D'accord. Et sinon, il y a des cartes sur le plus long terme, donc carte primo pour les moins de 26 ans. Ça offre 50% de réduction la semaine et 70% le week-end. Et on a une dernière carte de réduction qui est la carte solidaire pour les bénéficiaires de la CMUC. D'accord. Qui offre 80% de réduction semaine et week-end. D'accord. Et donc ces réductions, c'est valable sur tous les transports en commun ou seulement un certain type de transport en commun ? Sur les bus et trains du réseau TER Grand Est, donc d'accord, pour les cartes que j'ai citées précédemment, et sur le réseau Livo, donc c'est en complément sur notre territoire, là il faut prendre la carte Passe Jeune du conseil départemental avec la carte ZAP dont je parlais tout à l'heure, et il y a un tarif unique de 20 euros par mois avec des trajets illimités. D'accord. Donc voilà pour toute l'offre. Concernant les transports en commun. D'accord. Et les transports, c'est sur tout le réseau Grand Est ? Ou ça peut c'est être, ça. Ça peut aller plus loin que le réseau Grand Est ? Non, c'est uniquement sur le secteur Grand Est. D'accord. Et donc vous, Mario et Marina, est-ce que vous en avez bénéficié de ces aides ou pas ? Moi, non. D'accord. J'en ai pas. Carte primo, je crois, il me semble. Il me semble que je l'ai prise... ça marche aussi pour les trajets de train ou tout comme ça. Ouais, c'est ça. Je l'ai prise pour les trajets de train parce que je faisais un stage à Épinal en librairie et du coup j'avais besoin de faire les allers-retours à des prix plus bas parce que clairement c'est un budget le train et ça m'a bien servi. Heureusement qu'il y avait ça parce que sinon ça coûte cher et quand on est juste stagiaire c'est pas évident de trouver les moyens financiers quoi. D'accord. Et donc est-ce qu'il y a des conditions particulières à part faire partie de la vallée pour en bénéficier? Eh ben, les cartes de réduction, c'est tous les habitants du Grand Est. D'accord. Donc voilà, certaines conditions, comme la carte solidaire, il faut être bénéficiaire de la CMUC. Pour la carte primo, il faut avoir moins de 26 ans. Sinon, il existe un équivalent pour les plus de 26 ans, c'est la carte Presto. D'accord. Sinon, la carte ZAP propose également d'autres bons plans, on va dire, pour la mobilité. Il y a des réductions en fonction des partenaires assurance qui peut aller de 50 à 100 euros. D'accord. Donc voilà, pour une première année de permis, c'est intéressant d'avoir la réduction là, parce que ça coûte déjà relativement cher. Et puis avec les chèques du chéquier de la carte ZAP, on peut avoir jusqu'à 100 euros de... pas de réduction cette fois-ci, mais payer 100 euros à l'auto-école. Donc il y a 90 euros de chèque et 10 euros pour l'inscription au code. D'accord. Et donc pour en revenir au code de la route, les entraînements, c'est tous les jeudis soirs ? Tous les jeudis après-midi de 14h à 16h. D'accord. À la mission locale. Et donc, là également, pour être éligible à ces entraînements, est-ce qu'il y a des conditions ou pas ? Non. La seule condition, c'est être motivé, puis avoir le projet de passer le code. D'accord. Et donc, est-ce que c'est une obligation d'être à tous les entraînements, ou est-ce qu'il y a un ratio minimum tout de même à être présent pour bénéficier de ces aides de code ? Non, bah après, c'est un atelier que je propose. On a toujours entre 4 et 10 personnes. D'accord. Donc, non, c'est entrée-sortie permanente, hein, comme on dit. Si une personne est au travail la semaine-là ou en stage ou ne peut pas se déplacer, on fera sans elle. Et puis voilà. Elle est tenue de travailler en autonomie chez elle aussi. Bien sûr. Avec ses applications ou ses codes pour aller sur Internet. Donc voilà, nous, on est un service. On propose l'accompagnement pour ceux qui sont intéressés et ceux qui sont disponibles. Après, si quelqu'un loupe 2-3 semaines pour une bonne raison et qu'il revient après et qu'il est impliqué sur l'atelier, voilà, même si on essaye, comme Marion le disait, d'avoir une bonne ambiance et de faire un petit peu mode compète, puisque c'est ce qui marche avec les jeunes aujourd'hui, hein, il faut les titiller et les booster un petit peu. Mm-hmm. Voilà, donc on essaye de faire ça. Ouais, tant que tu préviens que tu es absent. Sans pression. Oui, voilà, ben, donc j'ai créé un groupe Facebook. D'accord. Sur le covoitura, sur l'appui code, justement, l'atelier. J'essaye de mettre toutes les semaines des informations si le code a bien lieu, s'il est décalé, s'il est annulé. Voilà. Et puis, ceux qui sont inscrits sur ce groupe préviennent s'ils peuvent être présents et surtout s'ils ne peuvent pas être présents. D'accord. Et donc, vous êtes le seul conseiller à vous occuper des entraînements du code ou pas ? Oui. Moi, ça m'est déjà arrivé de me faire remplacer par une collègue quand il y avait 2 semaines où je n'étais pas disponible pour faire le code. D'accord. Mais oui, principalement, c'est moi. Donc c'est une initiative personnelle ? Ben non, c'était un projet de structure. Voilà, il fallait que je développe des ateliers, des services autour de la mobilité. D'accord. Voilà, ça commence tranquillement, mm-hmm. voilà, par quelques petits ateliers ou comme la conduite, des choses concrètes. Mais après, voilà, on va essayer de voir une offre de service un peu plus grande. Et puis voilà. D'accord. Et donc, je crois savoir également que la mission locale organise du covoiturage. C'est ça, donc toujours dans cette même idée de projet qui fait. La mobilité est une de nos missions, hein, l'accès à la mobilité des jeunes. Donc, ça doit remonter à 2 ou 3 ans maintenant. On avait fait un projet avec l'atelier IMH+ de Vosges Télévisions à l'époque. D'accord. Les jeunes devaient faire un petit clip promotionnel du covoiturage pour l'ouverture de notre page et du service de covoiturage. Donc maintenant, on doit être à peu près à 450 membres sur ce groupe. Donc ben voilà, le principe du covoiturage, je ne vais pas le représenter, mais donc les conducteurs peuvent proposer des trajets. D'accord. Et ceux qui veulent se déplacer demandent s'il y a des disponibilités sur les trajets. Donc au départ, c'était forcément pour notre public de 16 à 25 ans, pour qu'ils puissent se rendre, même si on a des permanences sur notre territoire, pour qu'ils puissent se rendre à la mission locale, à leur rendez-vous, voire au travail et pour les entretiens d'embauche. Mais finalement, on s'est dit, maintenant que le service existe, on va pas bloquer ça au 16-25. Et puis, donc voilà, tous les membres de notre secteur peuvent bénéficier de ce service. Ok. Et donc vous, Marina, ça vous est déjà arrivé d'accéder au covoiturage ? J'en ai pas encore eu l'occasion, non. Moi, j'ai déjà été en covoiturage, mais pas forcément que dans les Vosges. Et c'est plus des grands, grands trajets que je fais, où je prévois bien à l'avance et où je suis sûre du conducteur à qui j'aurai affaire. Parce que c'est un peu une crainte. Bien sûr. Parce qu'on ne sait pas à qui on va avoir affaire, donc je préfère m'y prendre bien à l'avance et être sûre de ce que je vais faire. D'accord. Donc on va s'octroyer une dernière pause musicale. Ça va être Patience de Nas Damian Marley. Et on se retrouve juste après. Right here is for the people. Hey, yo, D. Let's go all the way in on this one. Some of the smartest don't miss. Can't read the language of Egyptian mummies on a flag or a moon. And can't find food for the starving tummies. Pay no mind to the youths, cause it's not like the future depends on it. We'll save the animals in the zoo, cause the chimpanzee, them a make big money. This is how the media pillages, on TV the picture is savages and villages, and the scientists still can't explain the pyramids. Evangelists making a living on the videos of ribs of the little kids, stereotyping the image of the images, and this is what the image is. You buy a khaki pants and all of a sudden you are say a Indiana Jones, and I tip out the gold and tip out the scrolls and even the buried bones. Some of the worst paparazzi I've ever seen and I've ever known, put the words on this place that the world can see, and that's all I will ever show. So the ones in the west will never move east and feel like it'll be at home. Get tricked by the beast, but the way them go flee when the monster is fully grown. Salamonic lineage where them still can't defeat and them could have never clown. A spiritual DNA that prints in my soul and I will forever own, Lord. Are we just growing tall? Can you read thoughts? Can you read palms? Can you predict the future? Can you see storms coming? The earth was flat, if you went too far you would fall off. Now the earth is round, if the shape changed again everybody would have started off. The average man can't prove up most of the things that he chooses to speak of, and still run research and find out the root of the truth that you seek of. Scholars teach in universities and claim that they're smart and cunning. Tell them find a cure when we sneeze and that's when their nose start running. And the rich get stitched up when we get cut. Wanna heal them broken bones in the bush with the wet mud. Can you read signs? Can you read stars? Can you make peace? Can you fight war? Can you milk cows even though you drive cars? Can you survive against all odds? Who wrote the Quran? And was it a lightning storm that gave birth to the earth and then dinosaurs were born? Who made up words? Who made up numbers? And what kind of spell is mankind under? Everything on the planet we preserve and can it. Microwave it, try it, no matter what, we'll survive it. What's you? What's man? What's human? Anything along the land we consuming. Eating, deleting, ruin. Trying to get paper. Gotta have land, gotta have acres. So I can sit back like Jack Nicholson, watch play the game like the Lakers. In a world full of 52 fakers, gypsy seances, mystical prayers. You superstitious, throw salt over your shoulders, make a wish for the day, cuz like somebody got a doll of me. Sticking needles in my artery, but I can't feel it. Sometimes it's like part of me, but I got a real big spirit. A fearless. Don't you try to grab hold of my soul. It's like a military soldier since 7 years old. I held real dead bodies in my arms, felt their body turn cold. Oh, why are we born in the first place if this is how we gotta go? Damn. Savali. Patience. Yeah. Vous êtes toujours sur Radio Gamozo, toujours avec Maxime, Marion et Marina de la mission locale du pays de Remiremont et de ses vallées. Et juste avant la pause, nous parlions de code, d'heures de conduite, tout ça. Et donc Maxime, est-ce que vous avez quelques chiffres à nous partager ? Oui, donc j'ai fait les comptes sur le nombre de participants à l'atelier code. Donc d'accord. On a déjà eu 39 jeunes qui ont participé à au moins une session. D'accord. Dont à peu près la moitié qui sont très assidus, ou au moins assidus. Et sur cette vingtaine de participants, il y en a déjà eu 6 qui ont obtenu le code. Donc d'accord. C'est un atelier qu'on a mis en place en mi-octobre 2018. Voilà. Et puis l'excellent résultat de la conduite supervisée, avec une candidate sur une qui a obtenu son permis après avoir... bénéficier de la conduite supervisée proposée par la mission locale. Voilà. C'est important de le noter. Oui. Donc avant de terminer cette émission, J'aurais bien voulu aborder l'idée du microcrédit. Oui, donc on a créé un partenariat avec une association Crésus, qui est basée, celle-là, sur Saint-Dié. D'accord. Et qui a une permanence sur Cornimont, donc j'ai rencontré cette personne. Et donc ça, c'est pour les projets mobilité qui sont un peu plus importants, donc, ou même pour le financement du permis, pour ceux qui ne souhaitent pas passer par le permis à 1 euro. Donc c'est des microcrédits avec des taux assez faibles, donc ça reste quand même très intéressant. Et c'est un crédit qui peut aller jusqu'à 3000 euros. Donc voilà, et dans le cas de l'achat d'une voiture, c'est plus intéressant. Oui, c'est pas négligeable, pardon. Voilà. Ok, bah, je crois que cette émission touche à sa fin. Donc je remercie une nouvelle fois Maxime, Marion et Marina d'avoir accepté notre invitation. Et quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau numéro de En route vers l'insertion et lundi pour un nouveau numéro de ma chronique La Crise du cinéma. Vous connaissez la chanson désormais. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Salut. Au revoir. Au revoir.